بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين، أما بعد. عليكم الكتب، أسألكم ما معنى الهواية؟ هواية فن؟ نعم. ما معنى قطار؟ شاهد يشاهد. المناظر. محطة. عطلة. مانع. فقط. لكن أيضا مدينة مبكرا. كنا اليوم فقط أسئلة من إقرأ هذا ويبدو تكافع عبا ثالث فارس، يعني أكمل كما في النموذج. هل تفضل كذا وكذا؟ طيب تفضل الجملة الأولى. هل تفضل الدرجات أو سيارة؟ أفضل سيارة. نعم أنا تحت هنا صفحة 73. خذ الجملات تحت سلالة فصل ومصول. في كمسا في كمسا. أفضل هل هل تفضل الدراسة أو العمل؟ أفضل لا سيبايش التفضيل لا سيبايش التفضيل أفضل أيها أفضل العمل تحفظ التخابي أو زيود؟ لا يعني أنا العمل يعني الدراسة هنا دراسة في الماثيماتيك أو العمل نعم لكن غير هذا إذا كانت دراسة هنا المراد بها طلب العلم في عمل بالفولي بار دراسة طلب العلم الترافاي يعني les études sont préférables pour le cœur mais le travail est préférable pour le corps c'est-à-dire que يعني il y a plus de difficultés dans le طلب العلم que dans le travail. Même certains salafs disaient que pour reporter un gros rocher, travailler, tu vois, était plus facile pour leur nefs que de répéter un hadith afin de pouvoir le mémoriser. Parce que tu regardes bien tout mon travail. Travail, c'est pas dur. Il y a des travaux qui sont un peu durs, mais j'ai un bon travail. C'est pas tout le monde qui fait la bonne même. Et tout le monde, tu verras bien souvent, les gens ils se battent pour travailler, trouver un travail, c'est bien. On n'y est pas, tu vois. Mais quand tu deviens, on s'assoit, on étudie, là, tu vois, c'est dur. Donc tu as le problème à chaque à la neuf c'est une arme. La tibarda, la jumla la tibarda. Non. Thumma. Hal tufaddilu al-akla aw an-nawm? Je préfère manger ou dormir. Et comme dit Ibn Qayyim, parmi l'excès dans la nourriture ou le sommeil, c'est parmi les choses qui ont le cœur dur. Avoir

Non. Est-ce qu'on peut faire le quart ou le tafsir? Thumma. Al-Rajata. الكتاب الصحيفة. هل تفضل الكتاب أو الصحيفة؟ أفضل الكتاب. نعم. فان الليفر أو الجورنال أو المجازين. الطائرة أو القطار. هل تفضل الطائرة أو القطار؟ أفضل الطائرة. Ah bon? À cette époque, on en a parlé la dernière fois. Taïra, c'est dangereux. Les trains, c'est très plus dangereux, frère. Pas forcément. T'as pas de télé dans le train. Ouais, t'as les femmes qui t'adorent. Tu vois? T'as pas le. Ouais, ouais. T'as moi, j'ai pensé à ça. J'ai fait bah... les visions où la king des femmes, elles sont. Les femmes, elles sont dans l'avion pareil. Ouais, ouais, la king dans l'avion, elles sont pas. T'es, les places, elles sont bien. Tu vois, c'est. Tu crois? Ouais, parce que frère, je te dis, dans le train, frère, et là... Le train et l'avion sont pareils, sauf que le train, il y a moins de choses que dans l'avion. Mais ils sont pareils. L'artillerie, c'est le même. Taïeb. Ikra. Là, on avait rajouté. Une question ? Le fiqh ou le nahou ? Le fiqh ou le nahou ? Ah, t'as dit quoi ? Il dit le fiqh et le fahmu yahtaj al-nahw. Qu'est-ce que tu as besoin de nahw? Pour comprendre le fiqh, tu as besoin de nahw. Ah, tu as besoin de le fiqh, tu as besoin de nahw. إلى أين تسافر إلى أين يسافر مالك؟ أيوة. سافر إلى مدينة دمام. مدينة دمام. طيب ثانيا وبأية وسيلة سافر؟ سافر بالقطار. ما هي إجراءات السفر؟ إجراءاته اشتري تذاكر فقط تجد المصدر ولو تجد أن أو تجد أن يشتري أو تجد الشراء ما تجد إجراء ويشتري وكذا أفقاس لا يبقى كوريك إجراءته شراء أيوة شراء تذكرة وحجز المكان نعم طيب ثالثا رابعا ماذا شاهد مالك وتوالك من القطار شاهد مناظر جميلة كيف تقول شاهد أيوة بالألف طيب ثانيا عجيبا الأسئلة الآتية هل سافرت بالقطار؟ نعم سافرت به طيب إلى أين؟ سافرت به إلى مدينة شطر طيب ثالثا لماذا فضلت السفر بالقطار؟ لأنني منه طيب والخاص كذلك سمو شهر نعم رابعا كم دفعت قيمة التذكرة دفعت 5000 تقريبا ها 5000 لا بالالف تدي ريال خمسة ريال لا خمسة آلاف ريال خمسة خمسة خمسة خامسا أين وضعت حقيبة ملابسك في مخزن الطائرة طيب الطائرة الحقائب ما فهمت في مخزن الطائرة طيب سادسا من القطار شاهدت مناظر جميلة ما هي هي الجبال الكبيرة والأشجار الجميلة والبحر وطلوع الشمس طيب سابعا كم ساعة سافرت سافرت 50 ساعة لا 50 ساعة نعم طيب لأن ندخل في الدرس التاسع ما زلنا في الوحدة الثالثة الوصول إلى الميناء الوصول سي لاريفي والميناء سي لو بور طيب باتو ها ميناء بور بور دو باتو لا لا خنزل الانيمال طيب بكونسو في الكلمات الجديدة مينا بور et tout en bas il a mis le pluriel je sais pas pourquoi il a pas mis à côté c'est mawani il est là mawani quatrième ligne c'est le jam asima طيب ça c'est la capitale asima c'est la capitale Soufoun, c'est le djem de Safina. Pareil, je ne sais pas pourquoi on l'a pas mis ensemble. Soufoun, c'est le pluriel de Safina qui veut dire bateau. Ashkel, c'est le djem de Shakl qui veut dire apparence, forme. Ahjam, c'est le pluriel de Hajam, qui veut dire format, taille. Rukab, Hajam. Qui veut dire taille, format. Rukab, c'est le djem de quoi? Rakib, non. Qui veut dire passager. Bada'i, qui veut dire marchandise. نعم دخما c'est dire énorme gros immense nift c'est cargaison cargaison Cargaison mmh. Pétrole. Mmh. Il m'a dit traduit par neuf. Neuf pétrole. Ah, tu as raison. C'est pétrole. En fait, il veut dire le. Sa finale, la tête armée de neuf, c'est le pétrolier. Arsente, ouais, c'est le pétrole. Mashallah. Nafi. Naqila c'est le transport. C'est comme ça voilà, Mouassola. Là c'est le transport des choses, de la marchandise. Ah transporter, non. Mais le transport, toi pour l'instant. Enfin, dans la phrase, ça paraîtra mieux. Mumti'a, agréable. agréable. Sa fille, on a dit son prière au début, sauf au début. Mumti'a, agréable. طيب ابدع واكبر واصغر وابعد واقرب واطول واقصر واسرع واقدم واوسع واجمل وانظف توصل اسم تفضيل. طيب ابدع c'est de badia, c'est une chose nouvelle sans précédent. Badia, نعم. Une chose nouvelle. C'est quoi le sens? Dans le texte, ça apparaît. Badia, c'est nouveau en fait, non? Non. C'est quoi, c'est un verbe, ça? Badia. Badia, là. Ah, Badia, en plus, c'est un lien. Akbar, c'est le kabir. Asghar, le sahir. Abad, le baïd. Akrab de Karib, Atwal de Tawil, Aksar de Kassir, Asra' de Salir, Akdam de Kadim, Aoussar de Wasir, ou Ajmel de Jamil, ou Anzaf de Nazif. Et tous ces mots-là, vous les connaissez. C'est le mot du Kutab Awel. C'est la différence entre Azwar ou Aksar. Kassir, c'est court. En taille. Et Azwar, c'est petit, quoi. Non. Ensuite, mukhtalif, différent, varié. Hamala yahmilu, transporté ou porté. Un 10 ou elle mukhtalif, mais des fois dans des phrases, ils disent irtilef. C'est un autre mot, c'est un masdar. Mais c'est la même. Yahmilou, porter, transporter. Nazara yanzuru, regarder. Nazara, je regarde. Ya laha, c'est une formule de ta'ajjub, d'exclamation. Je sais pas comment on traduirait. Ah, comme oh, ou j'ai pas. Ah, c'est pas les mêmes. Non, je sais pas comment traduire celui-là. Quand tu l'emploies, quand tu es surpris d'une chose, tu t'étonnes d'une chose. Iqama, c'est le axe de Safar qui veut dire résidence. Iqama là, c'est le contraire de Safar. Alors pour ça, c'est qu'on voyage, et le Mouqim, c'est celui qui est résident. Afkal, c'est le ism tafdhil de Faqil, qui veut dire lourd. C'est quoi entre parenthèses le tafdhil? Pour dire c'est ism tafdhil. C'est pour dire c'est ism tafdhil. Et c'est pas un verbe rubaï. طيب الان ناخذ الحوار بين مالك وطارق. طيب انت طارق وانت مالك. هذا مين هذا مين هذا مين كبير يا مالك. نودي سي لي بورت دو ميم اللي غران. هل هو أكبر من الرياض من الرياض من الرياض العاصمة؟ Qui dit est-ce qu'il est plus grand que la capitale Riyad؟ لا هو أصغر منها ولكنه أكبر المواني في السعودية. Dit non, il est plus petit qu'elle. Cependant, il est le plus grand des ports d'Arabie Saoudite. ما أدفع ما أد أبدع هذا المنظر. منظر. هذا المنظر. سفن داخلة وسفن خارجة.

Allez, voilà, la classe est plus grande que la chambre ou la pièce. Une tarte ou... Non. La bibliothèque est plus grande que la classe. La chambre, le dortoir est plus grand que le établissement. La porte est plus grande que la fenêtre. Ad-durju akbar min al-kursi. Le meuble, la table. Le casier, on va dire. Le casier est plus grand que la chaise. Ad-durj est une damache aussi de fatha. C'est une damache. Ouais, c'est peut-être tiroir, ça peut être un casier, ça peut être un truc de un lieu de rangement, quoi. C'est un hadith. Là, le maître dit pas sur l'alif. Non. Fatal. La valise est plus grande que le livre. Non. ثالثاً حاول كما في النموذج نفسره كذا الامثال النموذج يقول الفصل الحجرة ensuite il met واسع donc après tu dis الفصل أوسع من الحجرة la classe est plus large ou plus grande aussi on peut dire que la pièce ou la chambre. Large à la base, mais là on peut dire grand. Parlons pas et comprendre. Vaste. Hada fil bayt. Celui-là il sera à la maison. Ensuite, rabi'an, istami'u raddid. Hada al-mina'u. وهذا الميناء من أكبر الموانئ. Donc ce port est parmi les plus grands ports. Comme ça on dira. من أكبر الموانئ. Ce port est parmi les plus grands ports. هذا المكتب من أسفل المكاتب. Ce bureau est parmi les plus petits bureaux. هذا المعهد من أقدم المعاهد. Que cet institut est parmi les plus vieux instituts ou établissements. Rabi'an, هذا الملعب من أوسع الملاعب. Ce terrain de jeu est parmi les plus grands ou les plus vastes terrains de jeu. هذا المسكن من أبعد المساكن. Donc ce lieu de résidence est parmi les plus éloignés des lieux de résidence. Dortoir ou. ثالثا, هذا المجلس من أفضل المجالس. Cette assise, même un majlis, ça peut aussi être un salon. Ça peut aussi être un salon. Donc je pense que c'est ça qu'il veut dire là. Ce salon est parmi les meilleurs salons. Hadha al-manzilu min ajmal al-manazil. Le manzil, ça peut être aussi une maison, une demeure. Donc cette maison ou ce logis est parmi les plus beaux logis. Thaminan, hadha al-mat'amu min anzaf al-mat'am. Ce restaurant est parmi les plus propres restaurants, des restaurants. Et on peut le traduire aussi par ce restaurant est plus propre que ce restaurant. Là, c'est Amin, là. S'il n'y avait pas Amin, là, tu dirais Hadal Matram, Anzof. Min, après. Mais si bien avant, c'est parmi. Il est là où on traduit par parmi. Tayyib Khamisan, Akmil Kemafid Namouzaj. Namouzaj, il y a Koul. Hadha Al-Mina Min Akbar. C'est un trou. Et après, tu dois mettre le pluriel. Comme on l'a fait là. La même chose. Et tout est en face. Estijaba, la réponse. C'est le même sens que Ejaba, Estijaba. C'est la réponse qu'on demande, qu'on attend de toi en fait. هذا أيضا سيكون في البيت. Je vous bombarde de devoirs. De toute façon, tous les mots ils sont en face, hein. Normalement. Le jam, ils sont tous en face. Sadisan, istami ou raddid. Donc là, pareil, il va faire quoi? Le ta'adjoub. Sirat ou ta'adjoub. Yaqoula walen, ma abada hadha al mandara. Bon, on n'a pas assez trouvé de traduction. Hein? Comme on a dit. C'est le créateur des cieux de la terre. Mais c'est le Badir, c'est pas seulement Khaliq, c'est qui a fait une création sans précédent. Une façon nouvelle. Donc là, je ne sais pas comment traduire. Mais comme est moderne, le Manzar à la base, c'est le paysage ou le lieu que tu regardes. On va dire que quand même moderne ce paysage, cette vision. Aham Shir, vous avez compris Anima Abada. Si on n'a pas la traduction, c'est pas grave. Fanian, Ma Ajmala Azal Makan. Comme est beau, comme est belle cette place, ou comme est beau ce lieu. Thalithan, Ma Anzafa Azal Matam. Comme ce restaurant est propre. Rabi'an, ma amta'a adil rihla. Comme est agréable cette sortie. Khamisan, ma athqala adil haqiba. Comme est lourde cette valise. Sadisan, ma awsa'a adil naqila. Comme est grande. On va dire le pétrolier là. On va l'appeler le pétrolier là. Parce que c'est là qu'on l'a pris dans le texte avant. Parce que non, que là-bas c'est quelque chose qui transporte. Là, la parfaite, c'est quoi qu'il veut dire. Donc on va l'attribuer au texte. On va dire c'est le pétrolier qui veut dire. Vous voyez ? Maoussa adil naqila. Donc on va dire comme est grand ce pétrolier. Mais au naqila, on peut dire c'est autre chose. Tout transporte des choses en fait. Vous voyez ? Sabi'an. Ma akbara adil safina. Comme est grand ce bateau. Voyez, maintenant, avant de passer l'exercice, As'aluk, ya Daoud. Comment tu vas dire comme est grand ce livre. Ma akbara. Ah non. Attention, là c'est pas istafdil, c'est un verbe là. Là c'est un verbe là. C'est un ta'adjoub, c'est un verbe, c'est pas istafdil. Il a la même forme, là c'est un verbe. Ma akbara, hadha al-kitab. Non, hadha al-kitab, min fatha la. On va dire. Comme est beau ce masjid. Ma ajmara hadha al-masjid. Non. Qu'est-ce que tu peux dire comme exemple encore? Comme est loin c'est appelé la salat, la vanne. Comme il est loin. L'Eden. Kem Abada. C'est pas Kem. Ma Abada. Abada Hadan. Hadan. Comme est belle la voie du Liban. Al-Rubalik. Ma Abada. La maison. La voie du Liban. Ah. Ma Abada. As-Sawtu Liban. Ah, oui, c'est un des fois le Liban. C'est quand même. Comme est bonne cette religion pour l'islam. Ah, bien sûr, on ne va pas parler. Mais Ajmala. Là. Bonne. Mais. Bonne. Pas dit belle. Bonne. Ah, elle est bonne, j'ai compris belle. Mais. أحسن أحسنت ما أحسن هذا الدين هذا الدين هذا الدين هذا الدين نعم شو طيب ما أطيب Arsène, il est retenu dedans. Non, non, c'est pas féminin. Non. Ça vient. Akmil qui m'a fait de la mouzaj. La mouzaj, il y a cool. Ma, ensuite, parenthèse, pour moi, c'est un tarjoub, avec le verbe qu'il faut. Hazal manzar. À côté, il met badir. Donc, de badir, tu mets le verbe qui revient à ça, qui est ma abda'a hazal manzar. تفهم عبد البديع عبد البديع السيرفيتور دو كرياتور ça qu'on a dit بديع السماوات والارض celui qui crée les cieux et la terre donc là il vous met la phrase avec un trou et entre parenthèses le mot à mettre en certain tarjoum ah ouais faut mettre ça s'appelle comment ça le tarjoum le tout c'est sir tarjoum c'est une forme d'exclamation mais le verbe c'est fir tarjoum نعم تعجب في الإسلام شو؟ طيب ثامنا إملاء الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمة مناسبة لما يلي. donc on a des phrases avec des trous. à vous de mettre. طيب à vous de mettre les mots à leur place. عند الركاب les passagers. تحمل transporter. النفط le pétrole. Dokhma, énorme, gros. El-Mina, le port. El-Ahjam, les tailles. Mumti'a, agréable. Sabian, c'est Ensuite, les phrases avec les trous. Awalan, yakul. Taqif, el-Soufoud, fi, wa hiya mukhtalifatun, el-Ashkel, wa, Donc là, les bateaux s'arrêtent, là il faut mettre le mot qu'il faut, et elles sont de différentes tailles et de différents à mettre le mot. Thanian, bardo soufoun, tahmilo, wa bardoa, el badaïa. Donc certains bateaux transportent le mot à mettre, et certains autres, le mot à mettre, la marchandise, les marchandises. Thalithan. هذه ناقلة تنقل عفوا ويا لها من ناقلة donc هذه ناقلة ce bateau transporte on va dire ce bateau transporte ils ont un nom spécial ils ont des noms spéciaux les bateaux qui transportent paquebot ouais mais paquebot c'est aussi les hommes Pas de bouffe transforme les hommes et les marchandises. Si c'est bien rien, je pense que c'est le péniche. c'est propre pour la Seine, hein, ou sur les fleuves. En plus, c'est des bateaux où les gens y vivent. Non, les péniches, c'est des bateaux de vie. Les gens y vivent dedans. C'est pas de transport. Il y a des trucs de transport. Des marchandises. Yannick, moi je vois des gros bateaux comme ça. C'est les péniches, c'est ça. Il y a des cargaisons dedans. Je pense que les trucs personnels, tu vois, c'est les péniches à la base, c'est les bateaux de. Les gens ils vivent dedans. Et t'as les bateaux mouches pour les touristes. c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre vraiment sur la fête. En tout cas là, on veut dire, ouais. Les cargos. Hmm? C'est des cargos. Ouais, c'est les cargos qui transportent les marchandises. Arsène. Les cargos transportent les trucs. Parce que paquebot, c'est les hommes et les marchandises. Cargo, c'est les. Naam, ça. C'est pour les marchandises. Cargo. Donc, on va dire Naakila, un cargo. Arsanta. Enfin, quand le Hadi Naakila Tankulu, donc ce cargo transporte, Yalaha min Naakila, ou quel est un gros ou. À vous de trouver le mot qui convient. Une exclamation. Rabi'an. السفر بالسفينة يأخذ وقتا طويلا ولكنه هواية. Donc il dit le voyage en bateau prend beaucoup de temps. يأخذ, c'est de أخذ يأخذ qui veut dire prendre. وقتا, وقت c'est temps, طويل long. ولكنه هواية. Mais cependant il est à la base هواية c'est un hobby mais là on va dire il ne veut pas dire hobby on va dire il est Pareil, c'est agréable. Moumti, je veux dire par là, je pense. Agréable. Elle dit ça prend beaucoup de temps, mais c'est agréable. C'est ça qu'il veut dire en fait. C'est plaisant, quoi. Et je crois que les bateaux, je crois que c'est pire encore que les avions. Les bateaux ? Pas du façade. À part bateau, je moi, je parle des bateaux, bateaux de croisière, quoi, tout comme ça. Ça, je crois que c'est encore pire que les avions. Il y a des piscines dedans. طيب فكل هذه التمارين طيب لي غادي ان شاء الله وصلنا كيف هنا ودي كيسيون ما بيتسول طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين